Ah bon, tu joues 1, 2, 3, 4, 5. Je joue 7. Je joue. Oh, mais vous pouvez pas le dire avant, par contre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 20, 22, 40, 8, 9. Salut. Je m'échappe quelques instants de l'effervescence d'un repas de famille. J'ai toujours rêvé d'aimer cette fête et de m'y sentir bien. Je m'y sens mieux depuis que je le vis plus dans ma famille. Je vois pas les problèmes pas réglés, enfouis, pas digérés. Je vois pas les malaises. Je suis parfois gênée. Je sais pas où me mettre. J'ai parfois envie de m'échapper, de trouver un coin où zoner et échapper au stress lié à cette période. Parce que cette période, je suis quand même à fleur de peau et les cicatrices sont prêtes à craquer. Mais les fêter chez les autres, c'est un peu mettre à distance. Mettre de la distance vis-à-vis de tout ça et de le vivre différemment. Et voir comment les autres le vivent. Sans que ça me touche et sans que ça touche à mon épiderme fragile. Ça glisse plus. Et personne m'en voudra si je quitte la table. En tout cas, je me sens libre de le faire. Si vous me cherchez, je suis dans le salon et je joue à Mistigri ou à Passepoupou. J'arriverai plus tard. Je reviendrai, mais là, j'ai besoin d'une pause. Voilà. C'est le moyen que j'ai trouvé pour passer les fêtes. Pour endormir la boule de nerfs. Et imaginer d'autres manières. C'était super. Non, c'était vraiment super. Ah, c'est sur un deuxième. C'est carrément...